Assaut de plus de balles, tranquille y'a pas de mal. La prod est tellement bonne que je pourrais gratter 15-16. Fais pas ta passe, passe, le mic m'attend, pèse. Le poids de chaque rime l'équivalent de 300 obèses. À l'aise, je te fais danser même en charentaise. Quand j'pose, je fume le beat sans guillemets ni sans parenthèse. Tu parenthèses sur le bis, que veux-tu que je te dise? Si j'rappe c'est pour ma gueule et c'est du bon et si tu kiffes. J'ai dit piche qu'on arrose, clavier brisé, en sainte peine d'équimose. Test le matos, gros risque d'overdose, c'est ta cause. En 3 secondes mon flot explose, pas de pause dans ma base, pas de crise dans mes bases. En chute libre je t'observe ma place, au milieu des as. La clique des sens, c'est de pas toi pour un vrai désastre. La zig ma meilleure cam, je la place sur un pied des stars. Obligé d'envoyer du lourd, on ne va pas passer pour le relou la queutra. Est-ce que tu me reçois, est-ce que tu me suis, tu recaches, te queutra. J'suis toujours la la la la, j'plane avec mes gagaga. Fuck Lady Gagaga, envoie ta Madonna nanana. Je sais très bien qu'on dit de moi que j'suis baisé du crâne. C'est vrai cousin, j'n'y pas, j'suis dans un monde pas très normal. Habité par des êtres malsains, des démons qui en veulent à mon âme. Une soirée avec une paire de seins me rappelle que le diable a bien du chat. Depuis que j'suis petit peu, j'suis agité, comment veux-tu que j'me calme. Une fois de plus, prod saigné, bolos aussi en manque de calme. Un son de plus, viens prendre ta dose, viens prendre ta barre. Concurrence, accidenté, tout ça là. A toc le SOR, je l'entends encore crier quand je la ken. En week-end, toute la semaine, juste besoin de SUM. Putain d'ego, je trip avec Falco. Fafa Joe, nouveau morceau, Jack Mess, Doc Frost, Tookie Fico. Compromis, chaque fois que je gratte électrochoc, je dis des risques, c'est grave. Le rap est dead, le rap est trash. 2015 ou 2020, le remède du titre, les disques, on grave. Style funky, et je garde mon flow 90. On respecte tous l'époque de Stanley, style free, fuck la police. Qui fait comme inspiration, ma personne d'admiration. Technique en passe, plus de sketch, ma respiration. Ici c'est mess, promis, pour les mecs qui suivent, promis. Tous les insoumis, les ennemis que je pèse encore au chromis. Pousse un son de plus, je passe du sommaire au meurtre. Tu l'as bien compris, je suis dingue et c'est la boîte à l'honneur. Tu veux, même si j'aime pas la méthode, mon texte n'a pas de dé. Non pas de déconne, bientôt ta mère passe en démode. Traverse les époques, rendez-vous au prochain millénaire. Les futurs basses qu'on lève ton verre au mauvais garçon. Yeah.